La France c'est la Belgique. BR, c'est honneur. Oui, de la calaprone, mon pote. Le sillonneur, ça raconte quoi? Toujours la même qu'avant. Par chez moi, les jambes déçoivent, toujours les mêmes balances. Au marché noir, on marche au pas, on repère les têtes d'agents. C'est tous les jours la fin du mois avec des smics navrants. Ouais, BR, c'est la même, la Belgique, la France. Constamment, c'est l'État qui nous vise la tempe, qui nous vide les poches. Ici, les petites arranges pour 2 kills d'Afghans, parce que la vie, c'est hoche. Ici, ça parle 49-3, ça sent la guerre des fois. Tous les soirs, on se pète la tête dès que la bière se déploie. Et entre nous, toujours, je m'en pète des lois. Je pourrais même m'atteindre à sa vie si un des frères me déçoit. Un costume noir pour une triste fête. On a enterré trop de frères, faut qu'on quitte ce bled. Tu me demandes des nouvelles, je me dois t'écrire ce texte. Car la confiance n'existe plus, c'est comme les 10 de Zeb. Ici la routine est morose, j'ai une perte 4 saisons. Afin de voir la vie en rose, car même l'été c'est sombre. Tu sais parfois j'y songe, à partir loin d'ici. Mener le rêve américain vers Washington DC. A trop jouer avec le feu, on finit disqualifié. Dans le portefeuille j'ai que des 16 qualités. Que de la bestialité, faut du pèse vite, pas de pitié. Du papier pour pas que la vie de mon fils soit niquée. Tellement de fautes qu'on pourrait même pas nier. C'est sur notre sort que j'ai vu la mort parier. On tourne en rond quand la zone est quadrillée. Ils nous ont pris pour des cons, dis-moi comment pas vriller. Je sais si haut, faudrait que j'arrête de faire ça. Je mouille dans des fers à douteuses comme les shérifs du Texas. Depuis que cette vie nous stresse, j'ai plus les mêmes désirs. Frérot, bienvenue à Metz où même les meufs dérivent. À Liège, suffit d'un rien pour effacer ta vie. Comme un gramme de crack ou un mineur qui pousse la kétamine. L'argent nous contamine et nous condamne. On fait pas les choses à moitié, c'est par les deux bouts qu'on crame. Combien de cierges pour tous les potes que j'enterre? Tu pourras me croiser devant les portes de l'enfer. Pour que je calme mes nerfs, combien ça coûte en herbe? Même dans les zones pas vie en air, y'en a qui se foutent en l'air. Y'a de quoi devenir malade dans ce décor gris. Ils ont vendu leur âme, y'a plus que des corps vides. J'ai besoin d'oxygène, ça devient toxique. Dans les tropiques zen avec un gros spliff. Ici la routine est morose, j'ai une perte 4 saisons. Afin de voir la vie en rose, car même l'été c'est sombre. J'enchaîne les déceptions, y'a plus aucune règle. J'écris mes sons avec une plume d'aigle. A trop jouer avec le feu, on finit disqualifié. Dans le portefeuille j'ai que des 16 qualités. Que de la bestialité, faut du pèse vite, pas de pitié. Du papier pour pas que la vie de mon fils soit niquée. Tellement de fautes qu'on pourrait même pas nier. C'est sur notre sort que j'ai vu la mort parier. On tourne en rond quand la zone est quadrillée. Ils nous ont pris pour des cons, dis-moi comment pas vriller.